adolescent, maintenant, on grandit forcément, on pousse, on repousse ce qui nous fait de l'ombre, cherchant une place au soleil, tous pareils, identiques, à la lumière des uns ou celle des autres, à la lueur d'une flamme, on édifie, sans règles, sans normes. Sans loi, un monde idéal. Et à qui on a ouvert la porte? Est-ce un présent que l'on porte, qui nous presse, nous pèse, nous pousse à donner ce que l'on a pour toujours en nous, en ce monde idéal?